sans intelligence. Fait que si l'homme sait ce qui se passe dans le cosmos, si l'homme sait que chaque mouvement qui se fait est coordonné et coordonné, il sert à la souffrance de l'ego, moi je n'ai pas souffert à soi. Là, ils m'ont dit, ça t'a dû aussi. J'y t'inquiète pas, je suis là. En maudit, je suis là, puis je suis là pour le prouver que je suis là. Comprenez-vous ce que je veux dire? C'est pas que je suis là, mais comprenez-vous ce que je veux dire? Partez pas avec sa tête. C'est ça que je veux dire. Mais, il faut avoir l'intelligence. Tu ne peux pas rien faire si tu n'as pas l'intelligence. Si tu ne veux pas travailler des illusions, des illusions, des illusions, des illusions, du petit moineau qui passe dans l'autre, ton genre le prend. Puis tout ça, comme j'ai déjà souffert, puis je t'amène près de la pêche, je prends un poisson sur la ligne. Les shit qui se passent quand ils le font. Mais ils ne peuvent plus m'en arriver. Je vais y avoir, si vous voulez m'en faire, je n'ai pas déplacé, là, mais je vais pas me changer. Je vais le mettre dans la. Puis je verse ça pas de là. Puis autant j'en ai versé avant les larmes, j'en verse plus de là. Excepté les larmes de là. Vous saurez jamais qu'est-ce que ça te fait. Mais peut-être un petit peu. Dans ce prix, vous pouvez vous lever. Content, sachez pas. Il y a assez de force dans la terre pour vous empêcher de suivre. Vous parlez des nuances, vous parlez des jeux de l'esprit, dans lequel des gosses se font pogner à tous les secondes, à tous les minutes, à tous les coins de vue. C'est écœurant. C'est pour ça que quand tu vois clair, t'as vraiment qu'il y a toute une planète contre toi et ça change rien, Charlie. Ça change rien. Puis quand t'es pas capable de vivre de même, t'es capable de te tenir tout seul contre des millions de personnes, tu vas pas de la mal. T'as un bon. L'homme doit retrouver sa nobilité. La nobilité qu'il doit retrouver, c'est la nobilité qui est fondée sur une conscience parfaite de ce qu'il est. Une conscience parfaite de ce qu'il est, c'est la conscience parfaite de son intelligence. La puissance parfaite de sa volonté. L'homme a besoin de ces deux principes-là parfaitement équilibrés en lui pour pouvoir reconstituer sur le plan matériel la domination de l'esprit en matière. Sans ça, il pourra remettre l'esprit. Il pourra jamais y avoir de domination de l'esprit. La matière conditionnera toujours l'esprit. Moi, dans mon expérience, durant des années et des années, je disais à tout le temps, bon, mais c'est assez la souffrance, là, c'est assez la souffrance, là, c'est assez. Ou un petit peu plus, un petit peu plus, un petit peu plus, un petit peu plus. Parce que la souffrance n'arrêtera jamais tant que l'homme n'y mettra pas une fin. Ça, c'est un autre point que je vous donne à soir et puis oubliez pas. La souffrance dans la vie de l'homme n'arrivera jamais tant que l'homme, l'ego, lui-même, n'y mettra pas de fin. Il y a seulement une façon à l'ego de mettre une fin à la souffrance, c'est en vivant de son intelligence pure et de sa volonté pure. Tout ce qui n'est pas pur est contaminé astralement par une émotion quelconque. Automatiquement, ça engendrera dans la vie de l'homme de la souffrance. Oui, la seule raison que j'ai souffert plus que vous souffrez, c'est parce que je suis fusionné. Si j'avais pas été fusionné, j'aurais pas souffert autant. Mais j'aurais pas le feu que j'ai voulu. Et fusionné, pas fusionné, à un certain moment, l'intelligence avance. Elle ne peut pas rentrer, c'est impossible. Il faut qu'elle rentre.

que si vous avez vous avez dit pour faire des émotions, pas en tout, pour être capable de tomber ces personnes. Vraiment, c'est une outil. C'est pour voir que tu as un job avec une structure, oui. Que tu en as une mission dans la défense du monde. Oui. C'est bien clair qu'on va mettre une pièce. Ça dépend, ça dépend. Tu peux travailler à l'intérieur d'une structure, mais ton intelligence est tellement subtile, tellement vaste, qu'elle va te permettre ton intelligence de fonctionner. Parce que l'intelligence, est d'abord, l'intelligence, un des aspects, j'en parlerai à longueur du temps, mais un des grands aspects de l'intelligence, c'est la loi d'impression. La loi d'impression, c'est une loi cosmique. La loi d'impression, c'est une loi qui permet à l'intelligence de se manifester suivant les reflets des personnalités qui sont autour de toi. Fait que c'est un patron, c'est une job que t'aimes, toi. C'est un patron qui est niaiseux. C'est un patron qui n'aime pas ça par exemple. C'est un exemple, qui n'aime pas ça parler des autoristes pis de ses affaires. Il n'aime pas ça. Tiens, arrête pas. À ce moment-là, tu vis la loi d'impression. Tu te mets sous la loi d'impression. Mais si tu vas y en parler, tu vas perdre ta job. Autrement dit, vous autres, dans votre vocabulaire, vous dites, vous n'avez pas de temps. Puis ce qui crée le plus grand problème à tous les hommes qui rentrent dans la conscience cosmique, c'est qu'au début, ils n'ont pas de tact. Quand ils se mettent toutes les pieds dedans, ils ne sont pas capables d'être anonymes. Non, il faut qu'ils arrivent au bureau, là, qui parlent d'un mail hier soir, puis de toute la niaiserie pendant que le gars, il est plein de ses bâtons de golf. Au lieu de parler avec le gars de son bâton de golf, de parler de partie de hockey. Non, il faut qu'ils parlent du bon Dieu et du Jésus. Les témoins de Jéhovah, c'est un exemple. Il n'y en a pas un Christ qui est capable d'entrer dans les bureaux pour parler de Jéhovah. Quand ils se font tous Christ à la porte, ils n'ont pas une job. À moins de travailler pour l'affaire de Jéhovah. C'est une merde! Parce qu'ils ne connaissent pas la loi d'impression. Puis la loi d'impression, c'est une loi de l'intelligence cosmique. Il y en a un qui vit de cette intelligence-là et automatiquement rentre dans la loi d'impression. Puis éventuellement, tu n'as plus de problème avec ça. T'es anonyme. Tu te manifestes à ce que tu veux. D'abord, tu es anonyme. Comme ça, tu sors de ma part. Fait que si t'aimes pas ta job, si tu fais ta job, ce sera pas parce que tu as parlé de ta carrière psychologique de Jésus. Tu fais ta job parce que t'es efficace. Là, c'est une affaire. Mais aussitôt que les gens rentrent dans leur intérieur, ils sont pas capables d'équilibrer l'extérieur avec l'intérieur. Ils parlent de leur job. Ils ont des problèmes avec la famille, des problèmes avec le beau-père, la belle-mère, le boss. Partout. Ils ont des problèmes partout. Jusqu'à temps qu'ils comprennent seulement des fois des 6 mois, 7 mois, 8 mois, 9 mois, 10 mois, 1 an, 2 ans. Puis ça s'affine constamment la loi d'impression. Laissez-moi dire que c'est puissant la loi d'impression. Moi, je vis dans cette loi-là tout le temps. C'est extraordinaire ce que ça fait la loi d'impression. Parce que tu peux pas perdre l'énergie constamment avec le monde. Tu peux pas constamment expliquer au monde ta situation. D'abord, on est là-bas. Puis deuxièmement, tu dois fonctionner avec le monde toujours sur le niveau. Tout le temps sur le niveau. Un homme qui descend pas au niveau du monde, il est fini. C'est un yo-yo. C'est un manque de conscience, c'est un manque d'intelligence, c'est un manque d'application des lois de l'impression. Si j'avais tu lis les livres de l'ISBD, il y en a de Tibet là-dedans. Il y a un chapitre qui parle de ça. C'est une des lois les plus importantes, la loi de l'impression. Les gens font toutes des lois. Parce que l'intelligence n'est pas suffisamment grande, parce qu'ils n'ont pas assez souffert. Mais c'est la souffrance qui t'amène à cette sensibilité-là, qui t'amène à cette intelligence-là, qui t'amène à pouvoir 360 degrés. Attention, tu travailles dans les bureaux, tu vends, tu fais rien dans le plan. Le vol ne s'émeille pas. Mais il bénéficie de ton intelligence créative. Fait que t'es content, toi. T'as ton salaire quand tu n'as besoin, t'as tes raises quand tu n'as besoin. Mais on ne sait pas travailler dans les bureaux. Quand on se conscientise. On sait travailler quand on est inconscient. Mais aussitôt qu'on se conscientise, on perd les pédales. On s'ouvre la trappe. Puis plus ça va, moins les gens peuvent te comprendre. Puis c'est pas de leur faute. C'est normal. Laisse-moi passer par une expérience parallèle à la tienne, mais moi, je comprends. Mais si ça va pas partir de ta vie, comprendront pas. Fait que toi, tu vas aller perdre d'énergie à t'expliquer. Voilà. C'est essentiel que tu aies d'impression. Hein. Essentiel. Parce que ça fait partie des médias. Moi, Moi, j'ai un type en Ottawa, puis je te contacte au niveau des sciences. Il m'arrive de venir avec un scientiste américain, un grand scientiste américain. Le docteur Puharich, qui a fait le travail de Dewey Geller. Puharich arrive chez nous, c'est un Américain. On rentre en Californie et tout dans le désert, je parle. Les jeans. Un bel homme, là, belle personnalité. Mais, dans le vent, tu sais, dans le vent en Californie. Le vent chaud du désert. J'ai donné un mot de choc. Parce que d'abord, il ne me connaissait pas, il venait juste de me rencontrer. J'ai dit, tu oses venir chez nous de même? Puis tu imagines que tu vas retourner en science dans le monde, des universités, donner des colloques, puis les gens vont te respecter. J'ai dit, tu vas commencer à parler du phénomène des oubliés, du phénomène de ci, du phénomène de ça, de paranormal des universités, puis les gens vont te respecter dans tes jeans. Penses-tu que c'est à la masse de s'élever à ton niveau de conscience? C'est à toi de descendre à leur niveau de conscience. Quand tu comprendras ça, tu viendras me revoir. J'ai essayé d'en faire tous les deux. J'ai donné le choc. Pour dire quoi. La loi d'impression. Moi, je peux venir avec vous autres, c'est en jeans, puis en, je ne sais pas, en costume de bain. Je vais dire la même chose que je dis. Mais ça n'aura pas la même vibration. Parce que c'est à moi de vous respecter. Vous autres, vous venez en jean, ça, c'est pas la mère. Et si moi, je viens à vous autres, c'est à vous de vous respecter. Puis de mettre une cravate, même si c'est pas chaud. Ça, c'est la loi d'impression. Non, bien sûr, oui. Exactement. Il est à propos, il prend ça, c'est ce que je dis. Ils n'ont pas d'affiture. Nous autres, avec l'air, on le met à l'air. J'ai des raisons à tout. Moi, j'étudiais bien ça au début, ces affaires-là, parce qu'il y a une communication entre nous autres. Mais qui a sa peine de bien se dire, papa, on parle à tous les côtés, là, les abus, pis ci, pis ça. Mais. On le perd! Parce que, on perd notre intelligence. On tombe dans l'intelligence de la forme, on tombe dans les modes, on tombe dans tout ce qui est vaste, on perd notre individualité. Fait que la vibration est pareille. Et on dit, c'est pas important. On balaye tout. Fait que quand tu balayes tout, t'es très spirituel. Moi, le monde vient de chez nous, des fois, je t'en dis, je travaille à la maison. Puis quand tu viens chez nous, je m'habille et je m'amène que là-bas. Je veux dire, ça va être chez nous. Ne bien oublier. C'est de respect pour l'individu. Qu'est-ce que ça t'enlève? Ça t'enlève absolument rien. Oh, oh. Au contraire, ça permet de créer une ambiance qui est chaude, qui est chaleureuse, qui est respectable pour la personne qui vient chez vous. C'est pas le plus important. C'est ça que les gens pensent. C'est ça que les gens pensent parce que les gens sont rendus tellement prisonniers de la forme qu'ils ont vécu. Si t'as pas envie, toi, tu m'as envie de le changer. C'est pas ça le point. C'est pas qu'en fait que t'as envie ou que t'as pas envie. Ça fait partie de l'intelligence. Ça fait pas partie de l'envie. L'envie, ça se traite. C'est évident que j'aimerais bien mettre la costume de bain, rester dans le chaud. Mais l'intelligence va toujours avec la volonté. Tout le temps avec la volonté. Où il y a de l'intelligence et de la volonté? Ça t'enlève quoi? Ça t'enlève rien. Ça met l'autre de faire. Puis, j'ai essayé à deux reprises d'en parler dans les conférences, dans les séminaires, je ne sais pas, quand je parle, j'ai des impressions. Ça a toujours fait la guerre. Les gens ne comprennent jamais ce que je veux dire, la loi des impressions, parce que les gens rationalisent la forme. Ils ont raison. Ils ont dit, comment est-ce que vous dites ça? Si, si elle n'a pas envie de s'habiller, qu'elle ne fasse pas venir l'autre à la maison, tu as toujours le choix. Moi, si je veux rester dans mon lit, je me dis, je ne peux pas te recevoir l'après-midi. Fait que je maintiens. Comprends? Mais si je décide de te recevoir, c'est à vous de me présenter à toi d'une façon qui est convenable. Dans le sens que, d'une façon qui constitue, dans mon rapport de forme avec toi au niveau de la personnalité, l'aspect le plus plaisant pour tes yeux. Prends, plaisant, c'est dit. Voilà. Je ne veux même pas rentrer dans les impressions parce que tout le monde va être en désaccord avec moi. Merci. Thank you. C'est exactement ça. C'est exactement ça. M'en va te donner l'autre 100 piastres ce soir. C'est exactement ça. Que tu pourrais répéter ton nom pour ici? Elle a dit que... Comment ça? Elle a dit le pauvre. Tu te dis? Il dit que l'argent et la sexualité de l'argent sont les deux formes matérielles que l'homme doit dominer en premier. Si l'homme n'est pas conscient là, de comment administrer avec discernement sa sexualité et l'argent, moi, ça me fait bien, il n'y a pas d'état impossible qu'il n'a pas soit de l'état. Parce que, ça, j'ai déjà parlé du travail tantôt. Parce que le travail, c'est le lieu où est-ce qu'on peut tirer l'argent. T'sais? Et le travail est à l'argent ce que l'amour et la sexualité, ça va faire. Ça a l'air d'entendre, mais ça ne va pas ensemble. Parce que c'est pas vrai que celui qui travaille le plus fort, c'est lui qui fait le plus d'argent qui soit sûr. C'est celui qui est le plus intelligent à son travail qui fait le plus d'argent. C'est-à-dire qui est le plus rentabilisé, financièrement, en termes de monnaie. C'est celui qui est le plus intelligent dans sa sexualité. La loi d'impression, c'est tellement extraordinaire. C'est tellement extraordinaire que j'en parle pas. Parce que c'est justement là. C'est tellement extraordinaire, c'est tellement. Ça fait tellement partie de l'intelligence que les gens l'associe au niveau astral, au lieu de l'associer au niveau de l'intelligence. Parce que les gens qui font faire l'infection, c'est très difficile. Oui. Mais c'est très difficile. Oui. Comme tu dis, là, les gens vont dire, ben oui, tu veux me saisir, tu veux m'acheter, tu veux me faire entrer dans ton pied, ou parce que tu veux m'impressionner. C'est pas pour impressionner l'autre, c'est parce que je suis impressionnée par l'autre que j'impressionne. Moi, je vais dire, blesse pas vivre parce que l'autre est mort, pas parce que moi, je suis là. Bon, c'est un bonheur d'être en contact avec toi. Parce que je sais qui je suis. Si je suis un chien, ça m'honore de pas te rencontrer. Mais si je sais ce que je suis, je connais ce que je suis, je sais que je traîne ou trinquette. Si je te rencontre, je te connais comme prince de princesse. Ça ne m'abaisse pas. Exactement. Je vais Exactement. C'est ça que les gens aujourd'hui, les masses aujourd'hui ont dit. Exactement. Je vais te donner un exemple. Moi, j'ai été invité dernièrement sur Barbara Brownfield. Qui est la juive de Montréal. Les gens très vite. Penses-tu de me rentrer dans ma maison? Je le fais. Là, je suis rentré dans sa maison, ta maison, soir. Je t'ai dit comment est-ce que je vais mettre ta maison, comment est-ce que tu t'appelles ta maison, ainsi de suite. Bon. Je n'ai pas d'impression à faire. On est dans la salle, c'est opérant. Mais quand je suis rentré chez Barbara Martin, comment il y avait des vases de chine, des affaires de mine de 35 000 piastres? Penses-tu de me rentrer dans la maison? Je vais te faire tes affaires. Je vais te dire, oh, c'est ça, fantastique. Moi, je rentre dans la maison, je m'en vais m'asseoir dans le meilleur fauteuil dans le coin. Puis je m'assieds, puis je grouille pas de là de la soirée. Puis je parle de là, puis je les attire toutes là. Toute la guerre. S'ils sont 150, moi, toutes les amies à le tiroir. Puis je me lève pas. Je reste assis. Les autres sont debout, ça, c'est leur affaire. S'ils veulent s'asseoir, c'est leur affaire. Je deviens comme un aimant. C'est déjà inconscient. Tu veux la honte? Là, je les emmène toutes, là. J'y tiens toute la soirée. Puis, quand je repars, j'ai rien vu de la maison. Puis là, me dit que j'ai tout vu. Mon œil a goûté de tout. Mais je pars de là, je sors. Je prends pas mon char. Je me fais conduire par Gisèle. Dans le char. C'est elle qui est en avant, moi, je me sens avec. C'est ça la loi d'impression. Parce que moi, j'ai pas de sang. J'ai bien beau être intelligent. Mais quand t'es avec des milliardaires, faut qu'il y ait une balance. Je la crève à la. Mais ils savent pas si j'ai pas de sang. Ben, quand je rentre, moi, que je me suis dans mon coin, puis je passe à côté de ses mains, je les regarde même pas. Puis que je peux être loué, puis sa maison, etc. L'équilibre est là. La loi d'impression. Après ça, quand on sera plus prêt, là, je dis, oh, Bob, j'ai gardé ce ligne-là, ça se fait le temps. Là, j'aurais déjà rentré dans la maison. Ouais? Je regarde les gens riches, je regarde dans l'aristocratie, les gens de culture, ils ont ça naturellement. C'est naturel. C'est naturel. Aussitôt qu'il y a un pauvre qui rentre là-dedans, qui n'a pas la vibration, ils savent que c'est. Moi, je dis qu'un frère qui mange la merde, il jamais comme une petite qui se mange. Exactement. Exactement. Exactement. Exactement. Mais je ne m'aventure pas dans votre impression parce que je le sais que ça ne sera pas compris tout de suite. Parce que la réaction normale des gens, c'est la réaction qu'on a dans la robe. Je le comprends. Je le comprends. Parce que les gens pensent que la loi d'impression cosmique, c'est la loi d'impression à se faire. C'est une loi de l'intelligence cosmique. Laissez-moi vous dire que c'est tout ça, mousse. Oui, si je vais apparaître de mes minéraux le matin, je sais exactement quoi. Il n'y a personne qui va savoir la différence. Mais ça, c'est d'abord le plus. Parce que c'est le respect. Quoi? C'est d'abord l'intelligent. Mais quelqu'un qui est intelligent, là, c'est sa façon de manifester de l'amour. Tu n'as pas d'autre façon de manifester de l'amour que celle-là. C'est le respect. Okay. C'est nous autres, on dit on aime, on s'en bloquait. Ouais. Pas ça. Ouais. L'amour de l'enfant, l'amour de n'importe qui, c'est le respect. Ça, c'est le respect. Le respect, c'est quand tu dis noblesse aux filles, comme quelqu'un m'a raconté une fois, elle m'a dit, j'ai été obligée de donner une taxe, une pièce à mon petit pour qu'il arrête de tuer mes itinéraires parce que son père était parti, là. J'ai donné une claque sur une fête parce que la souffrance qu'il vivait, c'était pas se respecter lui-même. Tu comprends-tu? Elle dit, par respect pour lui, j'ai été obligée de dire, de t'aider. Alors que nous autres, on dit une claque sur une fête, c'est bien pour aller. Mais elle a fait, c'est un choc qu'elle a donné pour que lui-même apprenne à se respecter. Il y a beaucoup de souffrance qu'on vit comme ça, nous autres. Que j'ai envie de dire dans les cours, c'est avec nos enfants, parce qu'on, ce dimanche dernier, on a parlé de ça, comment on est mère, c'est que, comment on perd les fonctions des gens, parce qu'on ne s'est pas respecté, on s'est juste aimé. Qu'à partir du moment où on est capable d'être intelligent et avoir la volonté, ça fait la volonté de notre activité, devant tout le monde, des fois, à partir du moment où tu es capable d'être intelligent, dans l'amour, tu as plus l'amour vis-à-vis des gens et tu es respecté. Merci. Merci. Merci. Et c'est ce respect de soi-même commencer pour. C'est ça que ça veut dire de noblesse au but. C'est se respecter soi-même. Ça veut dire ça, te respecter toi-même. Ça veut pas dire que tu vas faire n'importe quoi devant n'importe qui. Là, je fais allusion à toute la pornographie, toutes les mœurs. Les gens qui pensent que je suis libre parce que je fais n'importe quoi, n'importe où, n'importe quoi. Ça n'a rien à voir avec la liberté. La liberté a à voir avec la liberté. Et la liberté de communication avec les personnes a à voir avec le respect. Avec le respect. Je communique, il faut que tu m'écoutes. Tu es disponible. Alors, en tout cas, ce que je comprends, c'est la loi de l'expression. C'est pas